الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى أو وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. L'auteur a donc intitulé ce chapitre « Les mérites du tawhid et les péchés qu'il permet d'expier ». Et la parole d'Allah le Très-Haut: « Ceux qui ont cru et n'ont point troublé la pureté de leur foi par quelque iniquité, par quelque injustice, ceux-là ont la sécurité et ce sont eux les bien guidés ». الذين آمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلطوا. إيمانهم بظلم، المراد بالظلم هنا الشرك بالله، المراد بالظلم هنا الشرك بالله، كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. والظلم ثلاثة أنواع: الشرك بالله، ظلم العبد لنفسه بارتكاب الذنوب، وظلم العبد لغيره بالاعتداء وغير ذلك. L'injustice est de trois sortes. الظلم, l'injustice est de trois sortes. La première injustice, c'est le polythéisme. الشرك بالله, le fait de donner un associé à Allah dans ce qui lui est propre. Pourquoi est-ce qu'on a appelé الشرك ظلما? Car الظلم وضع الشيء في غير موضعه. والمشرك وضع العبادة وصرف العبادة في غير محلها فكان بذلك ظالما. On a appelé le polythéisme injustice, car الظلم, l'injustice, c'est de mettre une chose où elle ne devrait pas l'être. Et le polythéiste est injuste du fait qu'il prend l'adoration et l'avoue et la donne à ceux qui ne le méritaient pas, à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont donc par cela injustes. Deuxième type d'injustice, c'est l'injustice que le serviteur se fait à lui-même en désobéissant à Allah subhanahu wa ta'ala et en ne conduisant pas sa personne vers le paradis, en amenant sa personne, en faisant les causes pour entrer en enfer. Car son corps est une amana. Il a été créé pour réaliser un but qui est d'adorer Allah Azza wa Jal, et cela d'un culte sincère. Donc en faisant ses péchés, il est injuste envers lui-même. Le troisième type d'injustice, c'est opprimer les autres. Opprimer les autres. Dans ce verset, l'injustice qui est voulue est le polythéisme. Pour preuve, le hadith de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu dans le recueil de l'imam Bukhari et l'imam Muslim. لما سمعوا هذه الآية قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس الذي تذهبون إليه الظلم الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم أي لقمان إن الشرك لظلم عظيم. Lorsque ce verset a été révélé, lorsque les compagnons ont entendu ce verset, Ceux qui ont cru et n'ont point troublé leur foi par quelque injustice, ceux-là auront la sécurité et ce sont eux les bien guidés. Ils ont compris l'injustice dans son sens général, englobant toutes les formes de polythéisme. Alors ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, mais qui parmi nous est à l'abri de l'injustice? Qui ne commet pas de faute? Qui ne commet pas de péché? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, le sens du zulm ici n'est pas comme vous l'avez compris. Mais c'est un sens plus particulier, c'est le polythéisme. N'avez-vous pas entendu la parole du serviteur pieux, c'est-à-dire Luqman, comme cela a été cité dans Sourate Luqman? Certes, le polythéisme est une énorme injustice. Donc le tafsir du verset de l'injustice, c'est « al-shirk ». مناسبة الآية للباب دلت على أن صاحب التوحيد له الأمن والهداية له الأمن والهداية وهذا من فضل التوحيد فمن سلم من الشرك والكبائر ولم يصر على الصغائر له الأمن المطلق والهداية المطلقة. Est-ce que toute personne ayant dit la ilaha illallah, est-ce que toute personne faisant partie des gens du tawhid aura le même degré de sécurité, le même degré dans la guidée, ou est-ce qu'il y a des degrés proportionnellement à la perfection du tawhid de la personne? La réponse est la deuxième. Idhan, man salima min ash-shirk wal kaba'ir وَلَمْ يُسِرْ عَلَى الصَّغَائِرِ لَهُ الْأَمْنُ التَّامُ وَالْهِدَايَةُ تَامَّةُ فَلَهُ النَّصِيبُ الْأَوْفَرُ مِنَ الْآيَةِ وَمِنْ فَضْلِ التَّوْحِيدِ. هؤلاء أهل الإيمان الكامل. والدرجة الثانية من سلم من الشرك وارتكب بعض الذنوب ولم يتب منها له مطلق الأمن ومطلق الهداية. يعني شيئا أو شيء من الهداية وشيء من الأمن. Donc celui qui a été préservé du polythéisme ainsi que des grands péchés, et n'est pas resté constamment dans les petits péchés, ce dernier aura la sécurité totale et la guidée complète. Quant à celui qui aura été préservé du polythéisme, mais qui aura commis certains péchés dont il ne se sera pas repenti, même des grands péchés, alors celui-ci aura une part de la sécurité et une part de la guidée. Puis les savants ont divergé. Est-ce que la guidée et la sécurité sont dans ce bas monde et l'au-delà, ou est-ce qu'une chose concerne ce bas monde et l'autre l'au-delà? Ibn Kathir, rahimahullahu ta'ala, nous dit qu'une partie concerne ce bas monde et l'autre bienfait, l'au-delà. Si ce n'est que certains parmi les savants disent que s'englobe ce bas monde et l'au-delà. C'est-à-dire la guidée et la sécurité dans ce bas monde, ainsi que la guidée et la sécurité dans l'au-delà. Dans ce bas monde, bithabati ala sirat al mustaqim. Dans ce bas monde, on le raffermira sur le droit chemin. Que ce soit dans la croyance ou les bons caractères, et on lui accordera la réussite. Et dans l'au-delà, comme Allah nous dit dans le Coran, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. Ceux qui ont cru et fait de bonnes actions, leur Seigneur les guidera par leur foi. قال بعض المفسرين أي إلى الجنة. Cette guidée, c'est dans l'au-delà pour le paradis. Donc il y a une guidée dans ce bas monde, en suivant l'islam et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi une guidée dans l'au-delà, c'est celle qui mène à Mada, au paradis. أما الكفار قال الله سبحانه وتعالى عنهم احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. Concernant les non-musulmans, Allah Azza wa Jal nous dit: rassemblez les injustes et leurs épouses et tout ce qu'ils adoraient en dehors d'Allah, puis conduisez-les au chemin de la fournaise. Donc celui qui choisit autre que l'adoration de celui qui l'a créé, voici sa finalité. Il ne sera pas guidé au bon chemin, mais sera guidé à la fournaise. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ما يستفاد من الآية. Que pouvons-nous tirer de ce verset? فضل التوحيد في الدنيا والآخرة. Les mérites du tawhid. Et cela dans ce bas monde et dans l'au-delà. L'adepte du tawhid a la guidée ainsi que la sécurité. نستفيد من هذه الآية أن الشرك ظلم. عظيم. De ce verset on tire que le polythéisme est une énorme injustice. Car la personne aura mis l'adoration où il ne convenait pas de le faire. On tire également de ce verset que le polythéisme est une cause pour être effrayé dans ce bas monde et dans l'au-delà. Celui qui n'a pas peur d'Allah, tu vois qu'il a peur de tout. Tu vois qu'il est faible et ne se sent pas à l'abri. Il est égaré. Et dans l'au-delà, il aura la plus grande peur. Une frayeur terrible. Puis il sera dirigé vers le feu de l'enfer, wal'iyadhu billah. Et certains seront ressuscités directement en enfer, comme Allah nous l'a dit dans le Coran. Voici pour le premier verset, le premier texte. Puis l'auteur nous a cité un hadith, an Ubadat ibn Samit, radiallahu anhu. هو عبادة ابن صامت ابن قيس الأنصاري الخزرجي هو بدري عبادة ابن صامت في partie des أنصار de الخزرج. Il assista à la bataille de Badr. Il est décédé en l'an 34 après l'Égir et avait alors 72 ou 73 ans. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله. من شرطية وجواب الشرط أدخله الله الجنة على ما كان من العمل في نهاية الحديث. وفي من عموم الشاهد ذكرا كان أم أنثى عربياً كان أم عجمياً. Donc, celui qui témoigne, qui atteste de la ilaha illallah, nulle divinité, que nulle divinité ne mérite d'être adorée en dehors d'Allah. Donc dans celui, il y a la généralité de celui qui attestera de ce témoignage. C'est-à-dire qu'il soit un homme ou une femme, qu'il soit arabe ou non-arabe, c'est général. Et cela, ce qui est cité ici, est une condition. Et la réponse ou les résultats de celui qui viendra avec cette condition se trouvent à la fin du hadith. Allah le fera entrer au paradis quelles que soient ses actions. Donc, من شهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله. Celui qui témoigne qu'il n'y a point de divinité méritant l'adoration excepté Allah. وحده لا شريك له. وحده تأكيد للإثبات إلا الله. ولا شريك له تأكيد للنفي في لا إله. لذا قال أهل العلم تأكيد بعد تأكيد أو تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد. تأكيد بعد تأكيد اهتماما بمقام التوحيد. Donc celui qui témoigne qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, seul, sans associé. Dans la parole seule, on appuie la partie affirmative dans la parole la ilaha illallah, qui est illallah. Et dans la parole sans associé, on appuie la partie négative dans la parole la ilaha illallah, qui est la ilaha. Car, comme vous le savez tous, le tawhid se compose d'une partie négative et d'une partie affirmative. La négation du droit à l'adoration pour tout autre que Allah, et l'affirmation que le seul à être en droit d'être adoré est Allah. Ben lorsqu'on dit « wahdahu la sharika la », on appuie ces deux parties. Avec « wahdahu », tu appuies la deuxième partie, l'affirmation, et avec « la sharika la », tu appuies la première partie, la négation. وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. Donc celui qui témoigne qu'il n'y a pas de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah, unique sans associé, et que Mohammed est son serviteur et son messager. Donc la deuxième partie, deuxième condition, après avoir témoigné de la ilaha illallah, tu dois témoigner de Mohammed Rasulullah. عبد أي مملوك لله عابد له. Donc عبد, tu dois témoigner que Mohammed est le serviteur d'Allah. C'est son esclave et son serviteur. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam adorait Allah. Il lui était soumis. إذن هو عبد لا يعبد. C'est donc un serviteur, il ne doit pas être adoré. Aussi élevé soit son rang, comme le montrera le second mot, il ne doit pas être adoré, car lui-même est celui qui a adoré Allah. Azza wa Jalla nous a enseigné comment l'adorer. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Son serviteur et son messager. Ay arsalahu Allahu subhanahu. Donc c'est le messager d'Allah, Allah l'a envoyé avec un message afin d'appeler son peuple à l'adoration d'Allah seul d'un culte sincère. C'est donc un messager, il faut croire en lui et ne pas le démentir. رد على طائفتين أهل الإفراط وأهل التفريط. Avec ces deux caractéristiques, il y a une réfutation à deux groupes égarés. En disant que c'est un serviteur, il y a une réfutation pour tous ceux qui ont exagéré sur lui et l'ont fait sortir du caractère de serviteur et esclave d'Allah. Ceux qui ont prétendu qu'ils connaissaient les choses de l'invisible, ou pouvait connaître les choses du futur, ou ceux qui fêtent son anniversaire, ou ceux qui jurent par son nom, ou ceux qui lui vouent des actes d'adoration. Il y a également une réfutation pour ceux qui ne lui ont pas accordé la place qui lui a été donnée dans la religion par Allah. Ceux qui n'ont pas reconnu sa prophétie, ceux qui ne le respectent pas, ceux qui ne suivent pas sa sunnah, ceux qui le démentent ou se moquent de lui, wal'iyadhu billah. Donc il y a le juste milieu, c'est de dire que c'est un serviteur, on ne l'adore pas, mais c'est un messager, on ne le dément pas, on croit en lui et on le suit. Et si c'est un messager, on doit croire en tous ses dires et toutes les informations émanant de sa part. Car c'est un messager d'Allah. Aussi, on doit lui obéir et s'éloigner de sa désobéissance. On doit également emprunter son chemin pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala sans innover dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. هذه من مقتضيات أو من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله وهاتان الصفتان أعلى مراتب البشر. Et ces deux caractéristiques, le fait d'être un serviteur et d'être un messager, sont les deux meilleures caractéristiques que puisse avoir une créature. Premièrement, te soumettre à Allah Azza wa Jal. Plus tu te soumets, plus tu es élevé. Deuxièmement, être un messager. Deuxièmement, être un messager. Celui qui n'eut ces deux choses-là aura été élevé au plus haut rang. C'est pour cela que dans le Coran, celui qui médite verra que lorsqu'Allah fait les éloges de son prophète et le décrit dans ses meilleures situations, il l'appelle abd. Par exemple, dans l'Isra ou al-Mi'raj. Dans la da'wa et autres. Puis le troisième point. Wa anna Isa abdullahi wa rasul. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min. Le troisième point concerne le noble prophète Isa alayhi salam. Jésus. Comme il l'appelle. Donc, tout comme tu témoignes que Mohammed est son serviteur et son messager, tu dois venir avec la suite de ce hadith, que Isa est le serviteur d'Allah et son messager. Ainsi que sa parole qu'il a envoyée à Maryam et une âme provenant de lui. Donc Isa alayhi salam est comme l'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah, le serviteur d'Allah, l'esclave d'Allah. Fala yu'bad, donc il ne mérite pas d'être adoré. Wa rasuluhu, et son messager, donc on doit croire en lui, on ne doit pas le démentir. On doit affirmer qu'il est bel et bien le serviteur et messager d'Allah. Et il fait même partie des cinq meilleurs messagers qu'Allah Azza wa Jalla a envoyés min ulil azmi min ar-rusul. Fafi hadha raddun ala ahli al-kitabay, ala ahli al-kitab. Et dans cela, il y a une réfutation aux gens du livre. Les gens du livre sont les chrétiens et les juifs. Il y a une réfutation aux chrétiens car eux ont dit que c'était Dieu, ou certains ont dit le troisième de trois, certains ont dit le fils de Dieu. Et ici on nous montre qu'il n'a pas de qualité divine, mais c'est le serviteur d'Allah et son messager. Il y a une réfutation aussi aux autres du fait qu'ils n'ont pas reconnu Isa en tant que prophète et messager. Et nous les musulmans, nous unissons entre ces deux caractère. On affirme que c'est un serviteur, donc on ne l'adore pas. Mais on affirme aussi que c'est un prophète et messager, donc on lui donne sa place. On lui donne sa place de prophète et messager. Voici le juste milieu. Wa kalimatuhu. Que signifie que Isa est sa parole? Wa kalimatuhu ay kalimatullah. Isa est la parole d'Allah. Mada na'ni bidhalik? Al-kalima hiya kun. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وليس عيسى نفس الكلمة بل إنما كان بكلمة الله كما قال الإمام أحمد رحمه الله فإن كلام الله من صفاته وصفات الله ليست مخلوقة أما عيسى مخلوق. Donc ici un point important, quelque peu subtil. Lorsqu'on dit que Isa est la parole d'Allah, c'est-à-dire qu'il a été créé suite à la parole d'Allah. Et cette parole, c'est soi. Comme cela a été cité dans le verset, lorsqu'Allah veut une chose, il dit soi et elle est. Et elle le devient. Il ne faut pas comprendre que Isa lui-même est la parole d'Allah. Non. Mais il a été créé par la parole d'Allah, soi. Comme l'a expliqué l'imam Ahmed rahimahullahu ta'ala. Cela car la parole d'Allah fait partie de ses attributs. Et les attributs d'Allah ne sont pas créés. Or, Isa alayhi salam, lui, est créé. Est-ce que c'est clair? Wadah? Ou est-ce que je répète? Je répète? Taïb. Nous disons, comme cela est cité dans ce hadith, que Isa, kalimatullah, est la parole d'Allah. Que signifie que Isa est la parole d'Allah? Ça signifie qu'il a été créé par la parole d'Allah, qui est kun, soit. Non pas que Isa lui-même est la parole, mais qu'il a été créé par la parole d'Allah, qui est soit. C'est wadah? C'est plus clair? Naam. Wa ruhum min, une âme venant de lui. C'est-à-dire de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Ay min al-arwah allati khalaqaha Allah. C'est-à-dire parmi les âmes qu'Allah a créées. Idhan minhu, minhu ay khalqan wa ijadan. Donc une âme venant de lui, c'est-à-dire parmi les âmes qu'Allah a créées. Non pas que Isa est une partie d'Allah, mais que Isa fait partie des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Kama qala Allah, wa sakhara lakum ma fi samawati wa ma fi al-ardi jami'an minhu. Minhu. Par exemple, dans le Coran, Allah nous dit, et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. C'est-à-dire que c'est lui le créateur de tout cela. De la même façon dans le hadith, une âme venant de lui, c'est-à-dire que c'est lui, Allah Azza wa Jal, son créateur. Et dans ce chapitre, les chrétiens, après s'être divisés, se sont égarés. Ils ont compris que Isa était une partie d'Allah, ou qu'il avait des qualités propres à Allah, wal'iyadu billah, ou qu'il était l'enfant d'Allah. Et d'autres sont allés plus loin en disant que c'est Allah lui-même. Et toutes ces paroles sont erronées et comportent un grand manque de respect en Allah Azza wa Jal, qui nous dit qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dit, c'est une divinité, ou bien dit, c'est Allah l'unique, celui qui mérite qu'on se dirige vers lui dans toutes nos affaires. Il n'a pas enfanté, n'a pas été enfanté. Nul ne lui est égal. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Maryam, donc, que Isa, le serviteur d'Allah et son messager, sa parole qu'il a envoyée à Maryam. Maryam est une des meilleures femmes qui a marché sur la terre. Une femme pieuse, une femme chaste. La seule femme dont le nom a été cité dans le Coran. Subhanallah. La seule femme dont le nom, le prénom a été cité dans le Coran. Tu ne trouveras pas le nom d'une femme dans le Coran excepté Maryam. Alayhi salam. C'est donc la mère de Isa. Allah Azza wa Jalla a créé cette âme et a envoyé Jibril avec cette âme afin qu'il l'insuffle en Maryam. Elle fut donc enceinte. Et cela sans s'être mariée. Mais par ce miracle d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. وَرُوحٌ مِّنْ Une âme venant de lui. وَالْجَنَّةَ حَقٌّ وَالْنَارَ حَقٌّ Et qui témoigne, qui reconnaît également que le paradis est vérité et que l'enfer est vérité. Donc celui qui réunit tout ce que nous avons cité dans ce hadith, nous avons dit au début, مَنْ شَرْتِيَّ C'est la condition. Fama jawabu shart, quelle est la réponse à cette condition? Celui qui vient avec cela, qu'est-ce qu'il obtiendra? À la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana min al-amal. Wa hadha huwa ash-shahid min hadha al-bab. Allah le fera entrer au paradis quels que soient ses actes. Et voici le témoin dans le hadith. Wal ma'na Le sens de la fin du hadith. أَنَّ الَّذِي كَانَ مِنْ أَهْلِ التَّوْحِيدِ وَالْعَقِيدَةِ الصَّحِيحَةِ إِنْ مَاتَ وَلَوْ كَانَ مُقَصِّرًا وَقَدْ ارْتَكَبَ بَعْضَ الذُّنُوبِ فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يدخله الجنة بسبب التوحيد. Le sens de cette parole est que lorsque la personne décède, si elle meurt sur une bonne croyance, avec التوحيد, avec la croyance en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec une bonne croyance, même s'il avait des manquements et certains péchés, de par la cause de son tawhid, Allah Azza wa Jal le fera entrer au paradis. Donc, quelles que soient ses actions, même s'il a des défauts et des manquements, des péchés, Allah Azza wa Jal le fera entrer au paradis. وَهَذَا وَجُلِ اسْتِدْلَلْ مِنَ الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْبَابِ Voici pourquoi l'auteur a cité ce hadith dans ce chapitre. Car ça nous montre les mérites du tawhid. Et le fait qu'Allah Azza wa Jal par ce tawhid t'efface tes péchés et te met au paradis. وقال بعض أهل العلم المعنى أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أي على حسب أعماله تكون الدرجة في الجنة. D'autres parmi les savants ont dit, celui qui vient avec tout ce qui est cité dans ce hadith, Allah le fera entrer au paradis au niveau qu'il aura obtenu selon ses actions. Vous avez compris la différence entre les deux sens? Le premier, quelles que soient ses actions. Le deuxième, selon ses actions. Selon ses actions. C'est-à-dire que s'il a des manquements, sa place ne sera pas aussi élevée que d'autres. Mais il entrera quand même au paradis. Akhraja. Donc lorsqu'on voit cela, Akhraja, les deux l'ont rapporté. Cela fait référence à l'imam al-Bukhari et l'imam muslim dans Sahih al-Bukhari et Sahih muslim. واضح؟ car elles n'ont pas qu'un livre. قال بعض أهل العلم في هذا الحديث هو من أجمع أحاديث العقيدة. Certains parmi les savants ont dit que ce hadith est un des hadiths qui englobe le plus de points faisant partie de la croyance. ما يستفاد من الحديث؟ طيب ذكرنا مناسبة الحديث للباب وفضل التوحيد وأن من وحد الله سبحانه وتعالى دخل الجنة وإن كان قد ارتكب بعض الذنوب. وما يستفاد من الحديث فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب. On tire de ce hadith les mérites du tawhid et que par cela Allah Azza wa Jal expie les péchés de son serviteur. Si'atu fadlillahi wa ihsani. On tire de ce hadith l'étendue des bienfaits d'Allah et de sa bonté envers ses serviteurs. On tire de ce hadith wujub tajannub al-ifrati wa at-tafriti fi haqq al-anbiya'i wa as-salihin. L'obligation de s'éloigner de l'exagération et également du manque de considération à l'égard des prophètes et des gens vertueux. Donc il ne faut pas exagérer. Et en même temps, il ne faut pas leur manquer de respect ou ne pas leur accorder la place qu'Allah Azza wa Jalla leur a donnée. فَلَا نَجْحَدُ فَضْلَهُمْ وَلَا نَغْلُو فِيهِمْ. Donc on ne rejette pas leur mérite, mais on n'exagère pas non plus envers eux. فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ نَرُدُّ بِهَا عَلَى الْمُبْتَدِعَ مِنَ الْخَوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَةِ عُصَاتُ الْمُوَحِّدِينَ لَا يُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ. نستفيد من هذا الحديث أن عُصَات الْمُوَحِّدِينَ لَا يُخَلَّدُونَ فِي النَّارِ. Une grande information tirée de ce hadith, avec laquelle on réfute la secte des Khawarij et des Mu'tazila, qui disent que ceux qui font des grands péchés iront en enfer éternellement, s'ils meurent dessus sans s'être repentis de leurs péchés. On tire de ce hadith donc que les pécheurs, parmi les adeptes du Tawhid, ne s'éterniseront pas en enfer. Donc celui qui a des péchés, si il entre pas en enfer, pardon, il ne restera pas en enfer éternellement. Mais il sortira et finira au paradis. Voici pour ce hadith. On revient dans le hadith. Pour citer ou pour expliciter un point ou deux, c'est al-idafa ila Allah. Aqsam al-mudaf ila Allah azza wa jal. Dans les textes, lorsqu'on annexe une chose à Allah subhanahu wa ta'ala, il y a plusieurs cas et plusieurs jugements. إذن ما أضيف إلى الله على أقسام. Ce qui est annexé à Allah Azza wa Jalla dans les textes diffère selon la chose. أولا إضافة العين القائم بنفسه. Premièrement, lorsqu'on annexe une chose à Allah Azza wa Jal et que cet être une chose à part entière, comme une personne, comme un animal, هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. Ici, ce qui est voulu, c'est d'annexer la créature à son créateur. ثم بعد ذلك قد يكون على سبيل العموم وقد يكون على ماذا قد يكون لإضافة التشريف لبيان شرف هذا الشيء مثال ذلك ناقة الله ومثال ذلك طهر بيتي كما في سورة البقرة مثال ذلك بيوت الله بيوت الله par exemple dans le Coran on nous dit la chamelle d'Allah نعم la chamelle d'Allah هذا من باب إضافة المخلوق إلى خالقه إضافة التشريف donc ici on annexe cette chamelle à Allah pour montrer sa particularité d'entre l'ensemble des chamelles c'est la chamelle de Salih le signe le miracle qui a été donné à Salih pour son peuple un autre exemple Allah Azza wa Jal dit purifiez ma maison ma demeure Il s'agit de l'endroit où il y a le Kaaba. Et dans le hadith, le prophète sallam nous dit Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah. Il n'y a pas un groupe qui se réunit dans une demeure parmi les demeures d'Allah. Ce qui est voulu par les demeures d'Allah, c'est quoi? Les mosquées. Les mosquées. Donc lorsqu'on annexe ces choses-là, c'est pour montrer leur noblesse. C'est pour montrer leur noblesse. C'est clair? Ensuite, إضافة العين المخلوقة غير قائم غير القائم بنفسي مثل روح من كما في سورة النساء وكما في هذا الحديث. Ensuite, la même chose, mais pas dans une chose qui peut être à part entière seule. J'avais oublié, comme exemple, on peut dire Rasulullah aussi, le messager d'Allah. Puis, des parties d'une chose. Donc tu peux voir un messager, tu peux voir une chamelle, tu peux voir la demeure d'Allah. Mais est-ce que tu peux voir une âme sans la personne qui a l'âme? Donc ça c'est l'ayn, غير القائم بنفسه. C'est encore إضافة المخلوق إلى خالقه. Et c'est ce qui est voulu dans le hadith que nous avons cité, وَرُوحٌ مِنْ Une âme venant de lui. Puis, un des points importants, إضافة الصفة إلى الموصوف. Lorsqu'on annexe l'attribut à celui qui est caractérisé par cela. Par exemple, la rahmatullah, la miséricorde d'Allah. Est-ce qu'on a annexé ici une créature à son créateur? Non. Mais l'attribut à celui qui a cette caractéristique. Car les attributs d'Allah Azza wa Jal ne sont pas créés. Par exemple, bikalima Bikalami. Lorsqu'Allah Azza wa Jal s'adresse à Moussa, il lui dit qu'il l'a élevé et élu, il lui dit, wa bikalami, avec ma parole. Hada min bab, idafati sifa ila al-mawsouf. Ici, on annexe l'attribut à celui qui a cette caractéristique. Qala ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, فإضافة الأوصاف ثابتة لمن قام به كإرادة الرحمن وإذافة الأعيان ثابتة له ملكا وخلقا إلى آخر ما قال. Ça résume ce qu'on a cité dans la parole d'Ibn al-Qayyim. C'est vrai, l'adhan. Le deuxième point, la deuxième remarque, suite à la lecture de ce hadith, أحاديث الوعد لا بد من فهمها على طريقة السلف أهل السنة والجماعة بالجمع بين النصوص بين أحاديث الوعد بالجنة وأحاديث الوعيد لعصاة الموحدين. Donc ce texte fait partie des textes qui annonce la bonne nouvelle du paradis pour les monothéistes. Et ce genre de textes doivent être compris à la manière des, ou bien en conformité avec la compréhension des pieux prédécesseurs. C'est-à-dire en unifiant ou en réunissant l'ensemble des ahadiths. Et il n'y a pas de contradiction entre ce genre de ahadith qui annonce la bonne nouvelle du paradis pour les monothéistes et les autres ahadiths qui menacent du feu de l'enfer les pécheurs parmi les monothéistes. Et pour comprendre cela, il te suffit de savoir que al-wa'd yanqasim ila qismayn. Al-wa'd al-mutlaq wa mutlaq al-wa'd. Donc, il y a la promesse totale, complète, c'est-à-dire بدخول الجنة دخولا أوليا غير مسبوق بالنار. Donc premièrement, la promesse du paradis, c'est-à-dire que les gens entreront au paradis directement sans passer par l'enfer. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui ont dit la ilaha illallah, qui ont unifié Allah Azza wa Jal d'un culte sincère. جاءوا بأصل التوحيد وكماله الواجب. Ils sont venus avec la base du tawhid et sa perfection obligatoire. ثم عملوا بمقتضاها. Ensuite ils ont agi en fonction de cela. علما وعملا. Ils mettent en pratique les obligations, délaissent les interdits. Ou si il leur arrive de tomber dans un péché, un grand péché, ils s'en repentent. Comme Allah nous dit dans le Coran, إِنَّ الَّذِينَ تَقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. أو قوله تعالى, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Donc ceux qui craignent Allah ou ceux qui sont pieux, lorsque le shaitan les fait tomber dans la faute, ils se rappellent et voici qu'ils sont clairvoyants. Dans l'autre verset, ceux qui commettent une turpitude ou une injustice contre eux-mêmes se rappellent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés et ne restent pas dans la désobéissance. Donc la personne peut tomber dans un péché, même un grand péché, mais elle s'en repent. Donc ces gens-là entreront au paradis directement sans passer par l'enfer. Donc les textes qui nous parlent, qui nous disent que celui qui dit là, il est là, entre au paradis, il faut savoir qu'il y a des conditions. Et celui qui veut obtenir la chose doit venir avec ces conditions. Et repousser ce qui pourrait empêcher d'avoir cette récompense. Aussi, on trouve dans les textes, dans les ahadiths, qu'on nous cite le tawhid et qu'on met des choses à côté. Par exemple, dans le recueil d'Imam Ahmed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, « Man abad Allah, la yushiriku bihi shay'a, wa qama as-salah, wa ata az-zaka, wa sama ramadhan, wa ajtanaba al-kaba'ir, wa ajtanaba al-kaba'ir, adkhalahu Allahu al-jannah, ou qala dakhala al-jannah. » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit par exemple, celui qui adore Allah, sans commettre de politisme, accomplit la prière, s'acquitte de l'aumône légale, jeûne le mois de Ramadan, et s'éloigne des grands péchés, Allah le fera entrer au paradis. Dans un autre hadith, عند البخاري سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال دلني على عمل يدخلني الجنة قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم وتصل الرحم. Le prophète صلى الله عليه وسلم a reçu la visite d'un homme qui lui a dit indique-moi le chemin du paradis. Il lui a dit tu adores Allah sans lui donner d'associé. Tu accomplis la prière, tu t'acquittes de l'aumône légale et tu lis les liens de parenté. Donc on voit que dans certains hadiths, on nous dit qu'il faut venir avec le tawhid, mais aussi avec des droits du tawhid. Aussi avec des droits du tawhid. La deuxième catégorie, ceux qui ont mutlaqul wa'd, ils ont la promesse du paradis, mais ils peuvent passer avant par l'enfer. Donc يدخلون الجنة مآلا ولا يخلدون في النار. Donc ils peuvent entrer en enfer, mais ils ne s'éterniseront pas en enfer. Ces gens-là sont les gens qui sont venus avec la base du tawhid et ne sont pas tombés dans des annulatifs de l'islam. Ils ont fait certains péchés sans s'être repentis de ces péchés. C'est ce qu'on appelle Uswatul Muwahhidin, les pécheurs parmi les monothéistes. Ces gens-là, le Yawm al-Qiyamah, pourront donc entrer en enfer. Mais s'ils y entrent, ils ne resteront pas éternellement en enfer. Et on finit avec une règle importante, qui est de dire qu'Allah Azza wa Jal, même ces gens-là, il peut décider de leur pardonner. C'est-à-dire même des gens qui ont commis de grands péchés sans s'être repentis, s'ils viennent avec le tawhid, alors Allah Azza wa Jal peut décider de leur pardonner. Peut décider de leur pardonner, même s'ils ne se sont pas repentis avant de mourir. وَهَذَا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَفَضْلِ وَأَحْسَنِ بِالْعِبَادِ. القاعدة إذن جميع نصوص الوعيد نعم جميع نصوص الوعيد مقيدة بأصل عظيم مذكور في هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Donc tous les textes qui menacent les gens de l'entrée en enfer sont encadrés par ce verset qui est certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. En dessous de cela, il pardonne à qui il le veut. Donc celui qui arrive avec autre que du shirk et sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il lui pardonne. Si Allah veut, il le châtie. Et on continuera la suite de ce chapitre la semaine prochaine, Inch'Allah ta'ala. Wa salli Allahumma barik ala nabina Muhammad wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma jahilna wa anfa'na bima allamtana wa zidna ilma. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.